Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Marie-Claire Kirtland, pionnière de la politique au féminin. Même certains députés de mon parti ne voyaient pas d'un bon œil que leurs femmes obtiennent tout d'un coup tous ces droits qu'eux avaient et qui les rendaient, si vous voulez, supérieurs dans un sens. Oui, c'était pas facile. Marie-Claire Kirtland, dans la série documentaire radio « La Révolution tranquille, 50 ans après », diffusée en 2009. Pas facile, en effet, d'être la seule femme députée à l'Assemblée nationale. Élue une première fois en 1961, Marie-Claire Kirtland est non seulement la première femme à être élue députée à l'Assemblée nationale, mais elle est aussi à l'origine de l'une des plus importantes réformes législatives qui touchent le statut juridique des femmes au Québec. C'est aussi elle qui va poser les bases qui vont mener à la création du Conseil du statut de la femme. On peut donc vraiment parler d'elle comme d'une pionnière de la politique au féminin. C'était en 1961. Claire Kirtland Casgrain écrit l'histoire. Elle est la première femme à faire son entrée à l'Assemblée nationale du Québec. Elle devient ministre sous Jean Lesage et fait adopter la loi 16 sur la capacité juridique de la femme mariée qui donne aux femmes le droit de signer des contrats sans l'assentiment de leur mari. Après tout, il n'est pas question de faire quoi que ce soit au droit de l'époux du mari, mais seulement d'améliorer le statut de sa conjointe. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale compte 35 femmes, dont plusieurs ministres qui lui rendent hommage. Madame Kirtland Casgrain, c'est une pionnière, c'est une femme qui nous inspire, et je suis persuadée qu'elle inspire aussi plusieurs de nos collègues masculins. Claire Kirtland Casgrain a succédé à son père à l'Assemblée nationale. Nicole Léger, qui suit aussi les traces de son père, se dit touchée par ce décès. Mais de père en fille, il n'y en a pas. Et après moi, pas vraiment non plus. Alors, ça m'interpelle, ça. Un autre projet de loi que la ministre a aussi présenté est celui qui a mené à la création du Conseil du statut de la femme. Je crois que les femmes québécoises doivent beaucoup à cette pionnière qui a ouvert la voie à toutes les femmes politiciennes. Par voie de communiqué, en fin d'après-midi, le premier ministre Philippe Couillard a offert ses condoléances à la famille et annoncé que Claire Kirtland Casgrain aura droit à des funérailles officielles. Elle qui a déjà sa statue devant l'Assemblée nationale. Ici Nicolas Vignon, Radio-Canada, Québec. Extrait du téléjournal du 24 mars 2016, le jour du décès de Marie-Claire Kirtland, qui s'est longtemps fait appeler, qui a fait en fait toute sa carrière politique sous le nom de Claire Kirtland Casgrain. Pour retracer les grandes lignes de la carrière politique de Marie-Claire Kirtland, je reçois Jean-Charles Paneton, qui est politologue et historien. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Charles, au-delà de l'importance symbolique, et c'est pas rien qu'elle a eu, Marie-Claire Kirtland, à titre de première femme élue députée à l'Assemblée nationale, quelle place elle occupe, parce que c'est plus que ça, l'importance qu'elle a eue dans l'histoire politique du Québec, quelle place elle occupe dans cette histoire politique, justement? Bien, en 1961, en fait, parce qu'elle n'est pas née en 60, mais en 61, ce qu'elle amène, c'est qu'elle amène en fait la question de la condition féminine au cœur même des réformes du gouvernement Lesage. On a beaucoup parlé des grandes réformes menées par Paul Gérin-Lajoie, René Lévesque, Georges-Émile Lapalme, mais elle a mené, elle, sur la question de la condition féminine, de grandes, grandes réformes qui sont très importantes pour la suite des choses et qui font de la Révolution tranquille une révolution à différentes dimensions, dont celle de la femme, là, des réformes qui sont faites pour améliorer la condition féminine. Donc, encore une fois, pas que ce fait d'armes, entre guillemets, d'avoir été la première femme élue à l'Assemblée nationale, mais un vrai bilan politique et législatif important dans le cadre de cette révolution tranquille. C'est la fille d'un député libéral, Charles-Aimé Kirtland, Marie-Claire Kirtland. Donc, la politique arrive très, très vite dans sa vie. Parlez-nous de ça, Jean-Charles Paneton. Quand commence-t-elle, la jeune Marie-Claire Kirtland, à s'intéresser à la politique? Mais son père est élu dès 1939 comme député libéral à Québec. Il va être élu 6 fois jusqu'en 1960. Donc, elle baigne littéralement dans cet univers politique-là. Elle accompagne souvent son père dans les assemblées publiques. Donc, elle est très, très... Elle s'implique même. Elle va militer au sein de la Fédération des femmes. Elle va aussi militer dans l'aile jeunesse du Parti libéral. Donc, pour elle, la politique, c'est quelque chose qui la passionne. Elle a la même piqûre que son père. En fait, son père lui transmet ça. On dit que son père était... Donc, qu'elle est fille unique. Son père, on dit qu'il était, elle disait elle-même qu'il était féministe, donc il voulait qu'elle soit autonome. Il voulait entre autres qu'elle fasse des études de droit, ce qu'elle a fait. Il voulait aussi qu'elle puisse prendre connaissance un peu de toutes les réformes qui restaient à faire au Québec, parce que lui militait principalement dans les années 50, donc sous le règne de Maurice Duplessis. Donc, il voulait qu'elle soit très sensible à toutes les questions ou réformes qui devaient être faites à ce moment-là. Oui. Et puis, évidemment, très vite, vous dites, elle fait son droit, elle va pratiquer le droit. Et quand on regarde un peu son début de carrière comme avocate, c'est assez cocasse, mais c'est plus que cocasse. Puis ça a un lien avec le fait qu'elle voudra faire des réformes importantes qui touchent les droits des femmes quand elle sera en politique active. Le début de sa pratique, là, racontez-nous ça, mais c'est quand même assez incroyable et ça en dit beaucoup sur l'époque et sur d'où partent les femmes à ce moment-là, Jean-Charles Paneton. Oui, bien, il va le raconter souvent un peu en riant, sous forme d'anecdote, mais j'imagine qu'à l'époque, ça ne devait pas être toujours très drôle. En fait, on ne veut pas lui verser de salaire. Elle va faire partie d'un bureau d'avocats, Serini et Jameson, à Montréal. Tout ce qu'on va lui donner, en fait, là, comme rémunération, si on peut dire ça comme ça, c'est un bureau. Et elle n'aura pas de dossier non plus. Elle va venir en aide aux autres avocats de ce bureau-là. Elle va pratiquer le soir un peu, mais c'est à peu près tout. Hein. C'est ce qu'elle aura comme carrière, donc à partir de 1952 jusqu'à son élection 61 comme députée. Donc, une carrière sans rémunération, on est dans un autre univers. Hein. Ça peut paraître cocasse, oui. mais pour les femmes, à l'époque, ça devait être très difficile. C'est pas de dossier, là. Tu aides tes collègues, mais on te confie aucun dossier directement. C'est fou. Oui, c'est fou, comme si elle n'était pas avocate, alors qu'elle a fait des études à l'Université McGill, elle a même étudié à Genève. C'est une femme qui avait fait toutes ses études, qui avait tout ce qu'il fallait, mais parce qu'elle était femme et qu'on ne les considérait pas comme une avocate pleine et entière, bien, on lui demandait de collaborer seulement, un peu comme une adjointe, on pourrait dire, une adjointe aux autres avocats de ce bureau-là. Donc, ça devait être loin d'être facile et drôle. Elle va pratiquer aussi le soir, elle va ouvrir un bureau chez elle, elle va avoir des clients le soir, où là, elle pourra pratiquer vraiment, véritablement, des dossiers. Oui. Elle va même se rendre à Québec. Elle va se retrouver au comité des bills privés devant Maurice Duplessis, qui est amusé, intéressé aussi de voir une femme qui vient plaider, ce qui n'arrive jamais. Il va même la féliciter, lui dire qu'elle était très solide dans sa présentation et son argumentation. Donc, c'est une femme qui, une fois encore, est pionnière et trace la voie pour les autres femmes qui vont venir ensuite. Je suis particulièrement heureux du fait que j'aurai l'honneur d'être le premier des premiers ministres de la province, ou même des chefs de parti de la province, à présenter à la Chambre une femme députée. Vous ne sauriez croire combien, comme chef du Parti libéral, Parti progressif, je suis fier de compter parmi les députés à l'Assemblée la première femme députée à l'Assemblée législative de la province de Québec. Première femme députée à l'Assemblée législative. Comment est-ce que vous avez été accueillie à ce moment-là par vos collègues masculins? Est-ce que vous vous souvenez des commentaires, de l'attitude de ces collègues? Dans l'ensemble, évidemment, les députés étaient très gentils. Mais il y avait quelques exceptions qui n'acceptaient pas qu'une femme soit là. Et qui aurait sûrement préféré qu'ayant été élue, je me taise, que je ne participe jamais au débat. Marie-Claire Kirkland au micro de Marie-France Bazot à l'émission Indicatif présent en mai 2005. Et juste avant, c'est le premier ministre Jean Lesage que vous entendiez réagir à l'élection de Marie-Claire Kirkland en 1961. C'est donc le 14 septembre 1961, alors qu'elle a 37 ans, que Marie-Claire Kirkland est élue députée libérale de Jacques Cartier dans une élection partielle. Elle devient ce jour-là la première femme de l'histoire à être élue députée à l'Assemblée nationale. Dans quel contexte elle décide de se lancer en politique active, Jean-Charles Paneton? Son père va être élu en 1960, il va décéder en août 61, et lorsque s'ouvre donc la question du remplacement donc du député, eh bien ses organisateurs, les organisateurs de Charlemagne Kirkland vont tout de suite penser à sa fille qui militait, comme on l'a mentionné, donc déjà dans le parti libéral, et donc tout de suite c'est presque spontané, elle va se présenter, elle dira plus tard qu'elle réfléchissait aussi parce qu'elle est quand même mère de trois jeunes enfants, ce qui est pas rien non plus, tu sais, en politique active avec de jeunes enfants. Ouais. Donc, elle a peut-être eu un bref moment d'hésitation, mais très rapidement, elle fait le saut en politique active. Elle va remplacer son père, donc, dans la même circonscription, Jacques Cartier. Il va faire son entrée, donc, à l'Assemblée nationale le 14 décembre 61, en étant... Elle va être élue, en fait, et elle va arriver à l'Assemblée nationale en étant très, très, très fière d'être élue et de suivre, en fait, les pas de son père. Et quel genre de réaction vont lui réserver ses collègues? Marie-France Bazot lui pose un peu la question dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais comment ça se passe son arrivée au Parlement de Québec? Bien, elle va faire une entrée qui est très remarquée, que les médias aussi vont souligner. Elle va arriver d'une robe noire, elle ne portera pas de chapeau, et ça, c'est un peu l'anecdote qui nous fait un peu rigoler, c'est qu'à l'époque, les femmes qui se présentaient à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée législative, comme on l'appelait à l'époque, doivent porter un chapeau. Or, elle a décidé, elle, qu'elle ne porterait pas de chapeau. Déjà, elle se démarque, elle est clairement décidée, et donc, elle dit, bien, les hommes, mes 70 collègues députés, eux, ne portent pas de chapeau. Je vois pas pourquoi moi j'en porterais un longueur de journée. On peut imaginer aussi que ça deviendrait fort inconfortable. Mais donc, elle est très campée, très décidée. Et c'est à l'image de cette femme de Claire Kirkland Casgrain, effectivement. Oui. Elle va siéger 12 ans à l'Assemblée nationale. Et pendant ces 12 années où elle siège à l'Assemblée nationale, c'est la seule femme, il faut quand même essayer d'imaginer ce que ça représente, à être députée et à siéger à l'Assemblée nationale. On écoute son mari, Philippe Casgrain, nous parler de ce que ça a voulu dire très concrètement pour elle d'être justement la seule femme députée à l'Assemblée nationale. Elle était bien accueillie publiquement, mais moi, en tant que concerné, il y a eu un petit bureau au troisième étage avec la moitié d'une secrétaire. Elle recevait une correspondance, elle rentrait des sacs complets de mal rentrés tous les jours. Il n'y avait personne pour l'aider à faire sa correspondance. Il n'y avait même pas une chambre de bain de femme sur l'étage. Honnêtement, au point de vue arrangement, ils n'ont rien fait spécial pour elle, hein, mais pas du tout, hein. Puis, c'était pas facile non plus, parce qu'après un bout de temps, les députés se parlent entre eux, puis c'est une femme, et puis moi, j'ai bien vu pour elle comment c'était d'être une femme parmi un paquet d'hommes. Parce qu'une femme parmi les hommes a le malheur de crier un peu fort, c'est une foutue folle qui ne fait que crier, alors que s'il y a un autre, par ailleurs, crie comme Levesque ou Kearns ou les autres, bien, c'est des gens brillants qui ont des idées à faire valoir, vous savez. Il n'y a pas de générosité nulle part, hein, aucune. Parce qu'elle avait tellement de publicité et d'aura que lorsqu'elle disait un mot, tous les journaux s'en emparaient. Ses collègues n'avaient pas le même bénéfice. Alors, la jalousie, c'est ça, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, elle disait, oh, c'est une ci, c'est une ça. Non, ça n'a pas été facile. Extrait de la série documentaire radio « La Révolution tranquille, 50 ans après », diffusée à notre antenne en 2009. Marie-Claire Kirkland, donc, siège 12 ans à l'Assemblée nationale, 12 années qu'elle passe seule comme femme députée dans cette Assemblée nationale. Comment est-ce que ça s'est passé? Quand elle en parle, Jean-Charles Panton, qu'est-ce qu'elle dit à propos de cette expérience-là d'être la seule femme à siéger à l'Assemblée nationale? Ben, elle va essentiellement dire ce que disait M. Casgrain, c'est-à-dire que c'est pas très facile. Plusieurs collègues députés, plutôt conservateurs, vont faire des commentaires, bien évidemment. C'est peut-être un peu plus facile pour ceux qui sont plus progressistes là, au sein du parti comme tel. Elle a aussi la tâche d'être ministre d'État, mais sans portefeuille, ce qui est un ministre junior avec des mandats plutôt limités. Donc, c'est pas facile pour elle, c'est sûr, au plan politique, au plan personnel non plus. Elle est une pionnière, mais avec tout ce que ça porte comme sens, c'est-à-dire qu'il le mentionne, il n'y a pas de toilette pour les femmes. L'Assemblée nationale est un boys club, hein, ça c'est clair. Mais c'est sûr et certain. C'est encore un boys club, donc c'est ça l'intérêt, c'est d'essayer d'imaginer ce que c'était à ce moment-là. Pour elle, ça devait être vraiment très, très, très difficile. Des commentaires constants aussi de certains députés qui rigolent, qui trouvent ça drôle et tout. Mais il faut dire une chose, c'est qu'elle ne se laissera pas abattre. Hein. C'est une femme qui est très déterminée, décidée. On peut voir par la suite que même si elle est ministre d'État sans portefeuille, elle va quand même s'attaquer à des dossiers très importants et elle va les faire évoluer. Elle va faire évoluer les choses, elle va faire évoluer, entre autres, la condition de la femme. Ça, c'est sûr et certain. Donc, elle ne va pas se laisser faire et va jouer un rôle de réformiste comme les autres ministres masculins l'ont fait aussi pendant la Révolution tranquille. C'est ce qui est important, je pense, de retenir d'elle à cette époque-là. Et probablement profiter profiter de cette attention médiatique dont parlait son mari dans l'extrait qu'on vient d'entendre, parce que, puis on y revient, effectivement, même si elle est ministre en portefeuille, 1962, elle devient la première femme à être nommée ministre au Québec, mais même dans cette position de ministre en portefeuille, portefeuille, elle ne chôme pas, elle sait ce qu'elle veut faire et elle décide très vite de travailler à la préparation et à l'adoption de ce qui va devenir la loi 16, cette fameuse loi qui met fin à l'incapacité juridique des femmes. C'est une réforme majeure. On l'écoute, à l'époque, décrire l'objectif de sa loi. Madame Kirkland Casgrain, quelle sera pour les femmes mariées la portée du bill que vous allez présenter à l'Assemblée? Ce bill aura une portée considérable, non seulement pour les femmes mariées en séparation de biens, mais également pour les femmes mariées en communauté. D'abord, pour les femmes mariées en séparation, elles pourront dorénavant administrer leurs biens entièrement, toujours sans l'autorisation du mari, vendre, hypothéquer le reste. Pour les toutes les femmes mariées, ce sera également une amélioration parce que, entre autres, en l'absence du mari, elles pourront agir sans son autorisation écrite, par exemple, dans le cas de la nécessité d'une intervention chirurgicale, une femme pourra faire entrer son enfant à l'hôpital et sa signature voudra dire quelque chose dorénavant. De plus, elle pourra intenter des procédures sans l'autorisation de son mari. Et même celle mariée en communauté de biens pourra administrer ses biens personnels sans intervention. Et vous attendez-vous à ce qu'il y ait de l'opposition à ce projet? Oh, ça me surprendrait beaucoup parce que, au point de vue politique, d'abord, je pense qu'il faut admettre que c'est une loi populaire parce que, après tout, il n'est pas question de faire quoi que ce soit au droit de l'époux du mari, mais seulement d'améliorer le statut de sa conjointe. Alors, je pense que les deux conjoints, en général, le mari et la femme, vont se réjouir de cette amélioration. La loi 16, adoptée en 1964, est probablement le plus grand objet de fierté de Marie-Claire Kirkland. C'est une loi importante. Que change concrètement cette loi, Jean-Charles Paneton? Mais avant la loi, essentiellement, on dit que la femme mariée doit obéissance à son mari en tout. La femme mariée à cette époque-là n'a pas droit, par exemple, de signer de bail, n'a pas droit de faire d'achats importants, acheter une voiture, tout ça, sans que son mari l'autorise et signe. Quand elle va quitter, en fait, l'ouest de l'île pour venir siéger à Québec, elle va devoir louer un appartement et elle va être confrontée à ce problème-là. Elle ne pourra pas signer son propre bail. Elle va devoir demander à son mari, Philippe Casgrain, de venir signer le bail à sa place parce qu'elle ne peut pas. Elle n'a pas cette... C'est ce qu'on appelle l'incapacité juridique. C'est aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, mais on peut imaginer à l'époque que les femmes vivaient littéralement dans un... en n'ayant pas les droits fondamentaux auxquels elles avaient droit. Donc, cette loi-là est majeure parce qu'elle amène la femme à être pleinement capable juridiquement de signer, elle l'expliquait un petit peu tout à l'heure, de signer pour son enfant qui est hospitalisé, de signer un bail, d'ouvrir un compte de banque aussi. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est un autre exemple. Les femmes ne pouvaient pas le faire avant cette loi-là. Donc, c'est une loi qui est majeure. Hein. Si on devrait dire la Révolution tranquille, elle a fait quoi pour les femmes? Bien, elle a fait ça, entre autres, ce projet de loi 16-là, qui est vraiment très, très important et qui change beaucoup, qui change les choses considérablement à cette époque-là. Puis elle va poursuivre quelques années plus tard, en fait, elle va réussir à ce qu'une modification d'apporter à ce qui concerne les régimes matrimoniaux, dans le même ordre d'idée, là. Oui, absolument. En 69, elle est même dans l'opposition et elle va réussir à faire adopter un projet de loi qui concerne les régimes matrimoniaux et ce qu'on appelle l'établissement de la société d'Aquet. Donc, on le voit, elle est toujours, même si elle n'est plus au pouvoir, elle dépose quand même ce projet de loi-là et elle le fait adopter. Donc, on le voit, cette question-là de la condition féminine, ça la motive. Ça, c'est un peu son leitmotiv politique et elle dira plus tard à plusieurs reprises que c'est son legs politique le plus important, cette question-là de la condition féminine. Cela dit, elle va aussi occuper de 64 à 73, elle va occuper différents ministères dans les gouvernements de Jean Lesage et de Robert Bourassa. Quel bilan on peut faire, on peut tirer de son travail de ministre? Bien, elle va faire, partout où elle va passer, elle va faire des réformes de plus ou moins grande envergure, il faut le dire, mais quand elle est ministre des Transports et Communications de 64 à 66, elle va travailler très fort sur la question de la sécurité routière à une époque où on ne met pas la ceinture, évidemment, on est dans un autre univers, disons ça comme ça, au Québec. Et puis par la suite, quand elle est au sein du gouvernement de Robert Bourassa, elle est ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, elle va élaborer un livre blanc pour permettre l'accessibilité au territoire de chasse et pêche. C'est un peu elle qui trace la voie aux ZEC qui vont être mises en place un peu plus tard, là, les fameuses zones d'exploitation contrôlées que va mettre en place le gouvernement Lévesque là, à partir de 1976. Donc, fin des clubs privés, entre autres. L'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, c'est elle aussi. C'est elle aussi qui a adopté une loi sur les biens culturels qui est à la base de la protection de notre patrimoine. Elle va créer aussi le Conseil du statut de la femme. Elle est à l'origine de ça. Donc, on voit, il y a énormément de choses qu'elle a fait, énormément de réformes qu'elle a menées, petites et grandes, bien sûr. Mais c'est une femme progressiste, c'est une réformiste qui est très importante au sein des gouvernements où elle va siéger, autant le gouvernement Lesage que le gouvernement Bourassa. Elle décide, Marie-Claire Kirtland, de quitter la vie politique en 1973. Pourquoi? C'est la crise d'octobre en 70 qui va l'ébranler profondément parce que son nom se retrouve sur la liste des personnes que le FLQ pensait enlever. Et ça, ça va l'ébranler beaucoup. La mort de Pierre Laporte aussi, qu'elle a bien connue au sein du gouvernement Lesage et Bourassa aussi. Ça l'ébranle énormément. Et puis, elle décide aussi, il faut le dire, il y a une certaine usure. Pour elle, ses enfants, c'est très, très important. Elle a l'impression, elle pense toujours à eux, même quand elle est à Québec où elle travaille comme députée et ministre. Et donc, elle choisit de quitter la politique après 12 ans et puis de rentrer chez elle à Ville-Saint-Pierre donc pour s'occuper de ses enfants. En fait, vous parliez de la crise d'octobre qui l'ébranle. Je pense qu'elle reste jusqu'en 73, mais en fait, il faut que Robert Bourassa l'a pris de rester parce qu'elle serait partie plus tôt, possiblement. Oui, elle serait partie plus tôt. Et puis, donc, il y a un peu de tiraillement dans cette fin de mandat-là. Ce qu'elle aimerait bien obtenir, c'est un poste de juge, c'est ce qu'elle aimerait bien. Et puis finalement, elle va être nommée, en fait, juge à la Cour provinciale par la suite. Elle va même être présidente de la commission du salaire minimum à partir de 1973. Donc, elle continue cette carrière, si on peut dire, publique, sans qu'elle soit politique, là, elle n'est plus ministre, mais elle poursuit donc une carrière de service public, là, ce qu'elle voulait obtenir finalement. Ouais, voilà. Un petit mot en terminant sur l'héritage qu'elle nous laisse. Ben écoutez, c'est une pionnière de l'émancipation des femmes en politique. Elle a travaillé autant la question du statut économique, social et politique des femmes. Elle est donc très importante. On a nommé une salle à l'Assemblée nationale en son nom. On a aussi un monument qu'on a fait très, très beau, de très belles statues à l'extérieur de l'Assemblée nationale. On peut les voir juste à côté du Parlement. C'est une femme qui a fait énormément et qui a été au cœur comme des réformes, mais on n'en a peut-être pas assez parlé dans les livres d'histoire de cette contribution exceptionnelle de Claire Coquelin-Casgrain, mais je pense qu'il faut lui donner la place qu'elle mérite, c'est-à-dire une place comme tous les autres grands réformistes du gouvernement Lesage. Je pense qu'il faut lui redonner cette place-là dans l'histoire du Québec. Jean-Charles Panton, historien, politologue, auteur de plusieurs livres sur l'histoire politique du Québec au 20e siècle, dont « La politique québécoise, élections, scandales et réformes de 1960 à 1980 » qui paraît très, très bientôt dans la collection d'Aujourd'hui l'Histoire aux éditions Septentrion. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.